enfin protéger les miens. Enfin protéger les miens. Ne sais-tu pas qu'on est les seuls number one, the ones dans le bois, chemin qu'un doux, parole résonne. Ouye, ouye, ouye, stereo, ouye, ouye, ouye. Ne sais-tu pas qu'on est les seuls number one, the dans le bois, chemin qu'un doux, parole résonne. Ouye, ouye, ouye, stereo, ouye, ouye, ouye. Si peut arriver simple, un sommet, ouais. Une place au soleil, si peut une parcelle de rêve. Faire craquer les demoiselles, Merco en clair, stéréo pour faire. Tu le sais gazier, donc dans ce domaine j'excelle aussi sauvage que sans sanitaire. Pour toutes les contrées dans ce pays que j'aime, je me lâche façon Atlanta, voilà mon dilemme. Le négro se pose là pour toi gars, pas de problème. Un nouvel appel à tous mes frères opprimés, rêve de campagne et vivre dans le quartier, c'est le merdier. Offensé, je braque mon emblème pour ma cité. Pour citer, décider à m'engager, je le fais. Tellement je pense à mes filles, à nos familles brisées, je me lâche sans pour autant baisser les bras. Quoi que tu dises sans moi, quoi que tu penses de moi, ma force montée en style façon Beretta. Taratata et pourquoi pas, j'suis là pour ça, infernal, j'fatigue pas. Et même jusque Saint-Guilhem, je tiens mes rênes aussi sûres que Marjolaine. Je tiens mes rênes aussi sûres que Marjolaine. Marjolaine, écoute, ça vient tout droit de ta stéréo. Écoute discrète là pour faire le show. Accompagné de GACK pour te mettre KO, c'est bon. Une fois de plus tu vises le bon numéro. Écoute, ça vient tout droit de ta stéréo. Écoute discrète là pour faire le show. Accompagné de GACK pour te mettre KO, c'est bon. Une fois de plus tu vises le bon numéro. Non, non, non, moi je répète mystère sans excès. Pas de mauvaise graine, Marianne aussi pendante que frêle, une perle, ouais. Et si fragile étendard, dès que vient chez moi le soir, les moms la jouent façon USA. Pour une barre de chocolat, sorte le coutelard. Moi je vois les pleurs des mamades chez moi. Déjà que c'est pas facile de vivre loin chez soi. T'imagines ma peine pour celle que j'aime au plus profond de moi. C'est le dawa, mon arme, le mic pour combattre. Au sein du DI, je ne laisse passer aucune faille. Me comporte tel un chien de bataille. Et bataille sur un terrain qui n'est pas le mien. Enfin à protéger les miens pour un destin. J'aime à penser un meilleur lendemain. C'est bien, c'est bien que je me demande pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Ouais, pourquoi s'arrêter en si bon chemin. C'est certain, c'est certain, c'est certain. Alors Jali et Kidja bien mettre le son au niveau. Son nom et toi bien écoute mon stylist le micro. Avec mon cousin Germain salte le tempo. Pour l'inspiration je m'en remets au très haut. Ja, écoute, ça vient tout droit de ta stéréo. Écoute discrète là pour faire le show. Accompagné de JACK pour te mettre KO, c'est bon. De ta stéréo, écoute discrète là pour faire le show. Accompagné du JACK pour te mettre KO, c'est bon. Une fois de plus, tu vises le bon numéro. Enfin, right, protéger les miens. Ne sais-tu pas qu'on est des seuls number one, the ones et dans le bois, chemin de nous, parole résonne. Enfin de plus, moi, dis-moi, mais mets en haut. Ne sais-tu pas qu'on est des seuls number one, the ones et dans le bois, chemin de nous, parole résonne. Are you me? Ne sais-tu pas qu'on est des seuls number one, the ones et dans le bois, chemin de nous, parole résonne. Enfin de plus, moi dire nous qu'à mettre ça haut.